sous la voûte, t'as vu un homme debout, abandonne-toi. Un peu de mal à te mettre en route, c'est maintenant le silence et le doute, soudain la certitude que rien ne se